toujours à la même occasion, le Comité national d'études du Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme du Nigeria a inséré le 9 courant dans son page d'internet un écrit titré « Libération de la Corée, tournant de l'histoire ». Par ailleurs, le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de Tsen 2017, le comité suisse-corée et le cercle suisse d'études des études du Jutsu ont publié le 6 courant une déclaration commune.